Parce que c'est toi, je savais que ça valait le coup. Et je remercie Dieu de t'avoir mis sur ma route. C'est toi ma vie, mon bébé, t'es mon amour. Même si je savais qu'il y aurait tout ça, j'aurais dit oui sans hésiter. J'ai des flashbacks du mariage. J'ai vécu un rêve éveillé. Les gens sont bloqués sur ma vie. Rien que ça pose des questions sur moi ou mon mari. J'ai pas le temps d'y répondre. Non, c'est pas gratuit. La gratuité, ils connaissent. Je leur rendrai pas service. Je laisserai personne venir semer le doute. Pour protéger, j'avais caché ton visage. Trop d'émotions, je suis la plus heureuse de toutes. Maintenant c'est clair, et même ça rime avec stache. Même si je savais qu'il y aurait tout ça, j'aurais.